L'Annonciation. Et les noces, c'est pour quand ? Demande Lila en préparant les cocktails. Je crois qu'on va se limiter au voyage, intervient Danka. On vit ensemble depuis 10 ans et on n'a aucune envie d'officialiser la chose. En plus, j'aime mon nom de famille. J'y tiens. Je veux le garder jusqu'à mon lit de mort. D'ailleurs, on est en pourparlers avec l'Olek pour le transmettre. À qui ? M'enquiers-je. Eh bien, bon. J'en ai déjà trop dit. L'Olek m'a dit qu'il t'avait averti qu'on avait une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai deviné, sourit Lila en déposant 4 verres au bord mordu d'une rondelle de citron. Tu veux dire que... interrogeai-je, glissant dans mes points de suspension la question. Ma tête se balade de l'Olek à Danka comme si j'assistais à un match de tennis silencieux. Mes deux amis opinent lentement du chef. Danka pose ses mains sur son ventre. Oui. Je suis enceinte. De 6 semaines. Ébaubissement ravi de ma part, mot de félicitation de Lila qui demande à la future maman. Je peux t'embrasser? Bien sûr. Et je fais de même, serrant chaleureusement la main à l'Olek qui me chante les yeux brillants. Je vais être papa, Miloche. Je vais être papa. Lila apporte avec cérémonie un grand verre d'eau gazeuse à Danka, et nous trinquons à la santé de l'embryon. La génitrice en devenir trempe les lèvres dans le spritz. Une petite gorgée, ça va pas le tuer. Que c'est bon! T'inquiète pas, ma chérie, je vais le finir à ta santé, se sacrifie l'Olek. C'est un garçon ou une fille? C'est un peu tôt pour savoir, Miloche. Il n'y a que le marc de café à ce stade. Il se trouve que je ne suis pas très au fait de ces choses-là. Depuis ma naissance, je me suis rarement préoccupé du sexe des êtres humains. Danka et Lila sont des femmes. Aimé, l'Olek et moi sommes des hommes. Les embryons? Je n'en connaissais pas. Je regarde le ventre de Danka, tout à mes réflexions, essayant de percer le mystère de la vie. Les futurs parents parlent de prénoms, et s'ils sont presque décidés, il subsiste encore quelques imprécisions, les ultimes éliminations à opérer pour élire le vainqueur dans la liste. Ils ne veulent encore rien nous en dire, ils savent simplement, je ne sais par quel accord secret, que le prénom du petit ou de la petite commencera par un « L ». Et je lance immédiatement Landru. Proposition qui n'est pas validée. Dans mes pensées, je visualise le bébé sortant du ventre de sa mère tout barbu, le regard pénétrant. J'ignore qui tranche dans ce genre de choix. Ce doit être la femme, car c'est elle qui porte le bambin après tout. La décision finale ne peut que lui appartenir. Je me mets à la place de la maman. Je ne me vois pas porter pendant 9 mois un enfant que je veux à tout prix appeler Pierre, et que mon homme a décidé de prénommer Évariste, ou Amphisème. J'aurai recours au chantage. Si on n'appelle pas comme ça, il ne sortira pas. Un point, c'est tout. Danka a les pleins pouvoirs. Si cela lui chante, elle peut prétexter des maux de ventre atroces depuis que le petit embryon a pris le futur prénom donné par le père. Elle peut assurer que le fœtus, tiraillé par des tortures psychologiques, n'arrive pas à s'endormir le soir, souffre de problèmes digestifs, d'eczéma. Bien sûr, il transmet son malaise à la mère qui se met dans des humeurs massacrantes exagérées pour prouver à son homme qu'il faut débaptiser le bébé dans l'œuf. Et puis, avouons-le, je suis persuadé que la décision revient dans la majorité des cas à la femme, même si elle a l'intelligence de faire croire le contraire. Tous les romans vous le diront. Les sources manquent, mais j'ai comme l'intuition que Monsieur Ravaillac a consulté Madame avant de planter sa dague dans le cœur d'Henri IV. Que l'archiduc Ferdinand d'Autriche a été assassiné par un sanguinaire en puissance, ayant pris sa décision finale après conseil sur l'oreiller. Que Madame Lee Harvey Oswald a mis une main sur l'épaule de son homme, indécis, la tête dans les mains, en lui susurrant. « Écoute, mon chéri, si ça te fait plaisir, fais-le. » Que Madame Clovis, au dîner, a soufflé à son mari les moustaches dégoulinantes de soupe en pleine crise d'autorité. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Tu me connais. Mais si tu lui rappelais le vase de Soissons, que le droit de vote de nos égales n'est pas une idée qui a germé dans un crâne masculin, et que Madame Mitterrand, au lever, a affirmé à son homme en train de se raser. Écoute, mon François, j'ai réfléchi, c'est dépassé la peine de mort. S'il fut un temps où la femme n'avait pas droit d'agir en pleine lumière, on ne lui a jamais ôté son droit de bon conseil. Là, j'ai envie de dire... « Ne bataille pas, l'Olek. Tu sais très bien que c'est Danka qui choisira le nom du petit. » 3 têtes se retournent vers moi. 4 avec la mienne. Oui, je me retourne de l'intérieur, comme si quelqu'un dans mon crâne avait pris possession de mes cordes vocales. Apparemment, je n'ai pas fait que penser ma réplique. Encore une parole que je regretterai demain. Reprenant les rênes, je rajoute. Enfin, moi, je dis ça. Puis j'engloutis mon spritz, cul sec, et je mange le citron, peau comprise, avant de reposer le verre à grand fracas sur la table. On ne m'a pas lâché des yeux, je regarde mes pieds. Pour meubler, car cela se fait, je rajoute. Il faudrait quand même que je sache le sexe de votre petit au plus vite pour savoir si je lui offre un nuage de marbre rose ou bleu pour fêter son arrivée. Promis, me répond Danka. Dès qu'on le sait, on t'envoie une lettre. Là, il y a encore un petit blanc, dont ma maladresse récente est peut-être la cause. Lolek brise le silence. Dis-moi, Miloche, t'en as pour combien de temps avec ta jambe ? Nous embrayons sur mon fauteuil, sur mon hospitalisation, sur la guérison. Je sens que l'on voudrait que je donne plus de détails, que j'étoffe, mais je ne sais qu'énoncer les faits. D'autant que parler de ma santé, ce n'est pas mon fort. Je conclus ma courte réponse par un « voilà, bien senti ». Puis, percevant mon malaise domestique, « on passe à table », ordonne Lila, point d'interrogation pour la forme. Pour tenir sa promesse, car c'est important, Lolek finit son verre ainsi que celui de Danka, tiraillé par le démon de l'envie. Je scrute le fond du mien, basculant la tête en arrière pour aspirer la dernière goutte du cocktail italien avant de rejoindre la table.